trouve mes rimes avec un bon petit verre de rosé. Tu savais ce que je serais prêt à faire pour voir la vie en rose. On nique le game en nose. Écoute le son de la cause, hein. Tu crois quoi si on se croise? On va te crosser. J'ai grandi dans le barrio, j'suis venu péter les barrières. J'fais un tour dans ma gario, en fumette le soir derrière. J'ai de ma carrière, j'me suis ficelle comme ciseaux. Passe-moi un jam, crochet pas sur ma hormie, j'ai mis le but en ciseaux. J'touche pas la c'est la loi dans mon zoo. Graine de café dans mon cou, pas de salope dans mon crew. J'ai des grandes ambitions comme le fantôme dans Power. J'finirai seul dans ma tombe là où j'verrai qui me laisse des flowers. J'suis de ceux qui ont du cœur, non pas de ceux qui suivent des bitins. D'ailleurs, j'suis venu pour les niquer comme Toto ou pas l'ermitain. Avant ça m'évitait, maintenant y'a tout le monde qui m'invite. J'les appelle les BDA si te critiques et te félicite. Je reprends mon flow, mes textes, ça y est, maintenant j'ai l'habitude. En plus, ces petits fils de prennent les beats et mon attitude. Mais je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air. Arrête de nous jalouser, tu vas m'énerver. Jeunesse qu'à lâcher sur le SRB. Je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air. Tu m'aimes pas, t'asseoir mes gouttes. J'ai compris pourquoi je te dégoûte. Je vous nique vos mères, bande de défilés ou de poudre. À croire que tu serais cool. Tu m'as niqué les yeux frérot quand t'as allumé ta garo. J'ai des frères en tol, putain j'aimerais scier leur barreau. T'as trahi tes fesses et fallait se tenir à carreau. T'as qu'une parole mais j'peux pas te croire avec ta chemise à carreau. Eh ouais dans ma vie j'en ai pleuré des larmes salées. Même si quand toi tu rentrais du studio j'y allais. J'regarde partout pour y avoir une moto dans l'allée. Ah ouais le couze, trop tu sors de buzz, ouais trop tu sors de zboob. Ah ouais le couze, trop tu sors de buzz, ouais, trop tu sors de zboob. Ils veulent reprendre mon flow, mes textes, ça y est, maintenant j'ai l'habitude. En plus, ces petits fils de prennent mes beats et mon attitude. Mais je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air. Arrête de nous jalouser, tu vas m'énerver. Je n'ai qu'à lâcher sur le SRB. Je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air. Je les monte en l'air. Je prends mon flow, mes textes, ça y est, maintenant j'ai l'habitude. En plus, ces petits fils de prennent mes beats et mon attitude. Mais je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air, je les monte en l'air.